gratuit. Informe-toi au 88 661 35 35. Ce soir à l'aérospatiale, une rencontre avec Gabriel Bélanger, la 20e édition de la Rencontre internationale d'art performance et le Musée de la civilisation célèbre son 30e. Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. Bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine radio sur les arts visuels à Québec. Vous êtes sur les ondes de CKRL 89.1 et c'est Jean-Tienne La France qui est avec vous pour la prochaine heure. On va parler d'art visuel. On va parler d'abord avec Gabriel Bélanger, que notre chroniqueuse Myriam Leland a invité à venir en studio. Donc, on va découvrir un peu sa pratique en co-création, ses mille et un projets qu'elle mène en ce moment. Et ensuite, après la pause, on va recevoir Ruth Bélinga, j'espère que je le prononce bien, et Sévia Pélissier. Donc, on va parler de la RIAP. Ruth Bélinga est une artiste camerounaise qui va participer à la soirée de performance en fin de semaine. Et en fin d'émission, notre toute nouvelle chroniqueuse, Claire Dumoulin, va nous parler du 30e anniversaire du Musée de la civilisation. Donc, elle est allée rencontrer le conservateur Vincent Giguère et Elle nous a rapporté des extraits d'entrevue, donc j'ai très très hâte d'en savoir un peu plus sur le 30e anniversaire. Et puis elle a creusé un peu plus sur la mission qui est liée à l'art, les arts visuels, l'art actuel au sein de cette institution trentenaire. Donc nous on va prendre une petite pause audio, sélection audio de Simon Roy cette semaine. Donc Simon nous propose Raj, qui est un projet de Eugène Lizine de Montréal, qui nous concocte une espèce de beat instrumental assez abstrait et expérimental. Donc, bonne découverte pour cet extrait-là qui est intitulé DYT. Et au retour de la pause, Myriam Leland nous présente Gabriel Bélanger. А какое у тебя любимое стихотворение? А? Люблю грозу в начале мая. Люблю грозу. Совсем сбрендила. Есть такая трава, вроде камыша, на озерах растет. Внутри нее течет сладкий сок. Thank you. Однажды русский генерал из гор к Тифлису приезжал. Ребенка пленного он вез. Тот за ним не перенес трудов далекого пути. Он был, казалось, лет шести, как серно гор, пуглив и дик, и слаб, и гибок, как тростник. Но в нем мучительный недуг развил тогда могучий дух его отцов. Без жалоб он томился, даже слабый стон из детских губ не вылетал. Он знаком пищу отвергал и тихо, гордо умирал. Alors, j'ai en studio avec moi Myriam Leland, bonsoir. Bonsoir. Et l'artiste Gabriel Bélanger qu'on a déjà reçu à l'émission du 8 mai. Tu étais venue nous parler du projet Nuit. Oui. Et Myriam Leland avait le goût de vous faire découvrir, de nous faire découvrir un peu plus ta pratique qui est quand même assez singulière. Mm-hmm. Donc, Myriam, lance-toi. Je pense que tu as préparé quand même beaucoup de questions. Oui, ben j'ai eu le bonheur de rencontrer Gabriel quelques fois avant aujourd'hui, qu'on échange un petit peu par courriel. Puis justement, tu parlais de Nuit. Moi, c'est avec cette exposition-là que j'ai connu le travail de Gabriel. Ça se déroulait justement le printemps dernier. Puis pour résumer un peu, là, pour les gens qui n'auraient pas entendu l'entrevue du 8 mai, c'est une exposition qui était développée en co-création avec le projet LUNE. Donc, c'est un acronyme pour Libre, Unis, Nuancé, Ensemble, tout au féminin pluriel, parce qu'en fait, ce sont des travailleuses du sexe et des ex-TDS qui forment une communauté de pères aidantes qui agissent à plusieurs niveaux, au niveau de la sécurité, de créer vraiment une atmosphère de communauté. Puis Gabriel s'est intégré en fait à cette communauté-là pour faire son projet de co-création. Ça implique vraiment un respect puis une égalité entre les participantes, incluant Gabriel. Donc, elles sont vraiment mises sur le même niveau. Moi, c'est ce qui m'a attirée de cette pratique-là. Puis Gabriel, c'est pas la première fois que tu faisais quelque chose comme ça. Il y a le projet Relié aussi qui était un peu dans le même pattern. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, tout à fait. Projet Relié, c'était avec les hommes de la Maison Revive, donc qui est un refuge pour sans-abri. Des hommes qui vivent de l'instabilité résidentielle, qui ont une certaine vulnérabilité à un certain moment de leur vie. Puis, ben, tu sais, je voyais un peu comme mon immersion dans ce monde-là comme une résidence artistique, mais aussi un peu comme du travail de milieu, en fait, si on pense au monde de l'intervention sociale. Donc, c'est vraiment un in-between de ça. Parce que toi, tu as une formation en travail social, voilà. Justement. Fait que je m'inspire un peu des deux mondes. Donc, j'ai vraiment, tu sais, c'est vraiment de me coller à leur réalité, donc de participer à leur vie, d'être dans leur milieu, d'être avec eux. Donc, de souper avec eux, d'éplucher des patates le matin avec eux, de prendre des marches avec eux, de passer des soirées à jaser avec eux. Puis, petit à petit, emmener des propositions artistiques. Et là, il y a comme un processus qui se déclenche à partir de ce que les gens ont envie de me livrer. Donc, vraiment à partir de leurs préoccupations, de leur vécu, de ce qu'ils ont envie de mettre sur la table. Et que ça se fait vraiment dans le respect de leur personne. Oui, tout à fait. Sans vouloir exposer des choses qu'ils ne voudraient pas exposer. Tout à fait. C'est eux qui décident, en fait. C'est vraiment génial comme projet. Puis c'est vraiment le même processus que tu as suivi avec Nuit, avec LUNE, dans le fond. Oui, tout à fait. Avec ce qu'il y a eu particulier avec Relié, c'est que j'ai eu des processus individuel avec deux hommes. Il y a un processus qui a vraiment enclenché une série d'œuvres. Là. J'ai appelé ça un dialogue dessiné. En fait, avec un homme, on se rencontrait à chaque semaine, puis on se parlait en images. Donc, il me parlait d'images qu'il avait dans sa tête, des rêves souvent, en fait. Je redessinais ces images-là, on les imprimait en sérigraphie, puis après ça, lui, il retouchait en pastel. Donc, c'était vraiment une espèce de dialogue, et les images se construisaient par superposition de différentes idées qu'il avait dans sa tête. Donc, ça a été vraiment un processus très intense où il y a eu beaucoup de contenu, beaucoup d'intimité partagée. Voilà. Puis après ça, ben, il y a eu plusieurs œuvres, disons, collectives, là, qui incluaient plusieurs hommes. Et cette personne-là, est-ce que c'était quelqu'un qui avait de la difficulté à s'exprimer oralement puis qui passait par un autre canal où c'était plus facile, ou c'est vraiment juste... Je dirais que c'est comme si... il n'y avait vraiment pas de difficulté à s'exprimer oralement, mais c'est comme si l'art permettait de déclencher, en fait, quelque chose. Mmh, fait que l'art permettait de mettre sur la table quelque chose pour après ça le nommer. Mais on n'aurait pas pu le nommer directement. Tu sais, il y a comme... C'est comme inverse un peu, là, comme processus, Comme un processus d'introspection. Oui, vraiment. Oui, c'est ça, justement, de mettre des doigts sur des nœuds. Ouais. Puis on s'en était déjà parlé aussi du fait que souvent l'expression par l'art, c'est pas quelque chose auquel on a le temps de penser quand on a des soucis financiers, des soucis de logement. Quand on est en mode survie, notre premier réflexe, ça sera pas de dessiner comment on se sent. Qu'est-ce que ça te fait de pouvoir offrir à ces personnes-là, justement, de lâcher un peu le mode survie puis d'aller dans le mode création? Ben c'est sûr que tu sais je pense qu'il faut s'occuper de tout parallèlement là puis je pense que tu sais l'art peut permettre après de rattacher la personne ben nécessairement moi je m'insère dans des organismes donc de rattacher la personne aussi à cet organisme-là, peut-être à d'autres intervenants autour, puis cette personne-là va pouvoir finir par combler ses besoins de base aussi. Puis peut-être d'aller plus loin aussi, de répondre à des besoins encore de réalisation, par exemple, ou de prendre des décisions majeures dans sa vie. J'ai des beaux exemples de ça dans mes projets, là, donc je pense que ça permet de faire des ponts, là, justement, entre les besoins de base puis les besoins un peu plus élevés, disons, là. Est-ce qu'il y a un exemple que tu pourrais te permettre de oui, de nous donner? Oui, on aimerait ça. Tu parles de réalisation majeure, Gabrielle Bélanger, puis on aimerait ça. Attendez, là. Ben, tu sais, je pense, en fait, c'est super simple, mais une femme qui m'a vraiment touchée, que j'ai amenée dans le cadre de nuit, que j'ai amenée à la maison pour la danse, que j'ai amenée travailler avec moi chez Engram aussi, puis qui faisait comme ah ouais, tu sais, je me sens normale, tu sais, je me sens comme faire partie, tu sais, le sentiment d'inclusion. Puis cette femme-là, à chaque fois que je la croise, tu sais, elle m'inspire au bout parce qu'elle est rendue super impliquée à Projet Lune, elle prend des responsabilités qu'elle n'aurait pas prises avant. En tout cas, elle est super inspirante, là. Elle est vraiment belle, puis je sens que ça lui a permis vraiment de le projet a pu être un tremplin pour certains engagements après, en fait, puis de passer outre certaines choses aussi dans sa vie, là. Ce que je retiens beaucoup de ton témoignage, c'est le mot « inspirante ». C'est vraiment le fun de voir que toi aussi, t'apprends de ces personnes-là. C'est vraiment pas du tout « one way » comme relation. Je trouve ça vraiment génial que tu puisses t'inspirer de ces personnes-là aussi. Oui, vraiment. Puis, tu sais, ça m'apporte vraiment beaucoup, là. Tu sais, nuit, ça m'a beaucoup touchée au niveau de la condition de la femme et tout ça, nécessairement. Relié, ben au niveau, tu sais, tout ce qui est nomadisme, des affiliations sociales, c'est des sujets qui me touchent comme personne, personnellement aussi, là. Fait que c'est ça. C'est des choses qui me font réfléchir personnellement aussi. Mais c'est vraiment des beaux projets. Par rapport à tout ça, tu parles justement d'intervention, ton milieu d'origine qui est le travail social, qui a évolué en même temps que ta pratique artistique. Il y a beaucoup d'étiquettes qui sont accolées à ta pratique, justement, que ce soit par d'autres ou par toi-même. L'art communautaire revient beaucoup, justement, étant donné que tu travailles de près avec des communautés. Toi-même, tu te présentes comme une médiatrice culturelle, mais aussi comme artiste de proximité. Je sais que c'est un terme qui est peut-être moins courant dans le langage de tous les jours, on ne sait pas trop ce que c'est. Est-ce que tu pourrais peut-être démêler tous ces termes-là pour nous, puis dire à quel point ça rejoint ta pratique? Ben, à un moment donné, je me suis penchée sur comment je pourrais nommer ce que je veux faire puis ce que je fais. Puis, je sens vraiment que dans mon approche artistique, il y a la création du lien de confiance avec les personnes avec qui je travaille, qui appartient, cette façon de faire-là appartient quand même au monde de l'intervention sociale et qui très inspirée du travail de proximité dans l'être avec, aller vers, faire ensemble, vraiment. Fait que ça, l'idée de proximité, comme en travail social, on dit travail de proximité, c'est toutes les approches de rue, de milieu et tout ça. Puis, ben c'est sûr qu'on est dans une démarche artistique parce que je suis pas en train de faire de l'intervention sociale directement, je suis vraiment dans un processus artistique. Donc, pour moi, l'idée d'artiste de proximité venait vraiment offrir un mélange des deux, là, qui, pour moi, qui est plus simplement dire ce que je fais. En même temps, à chaque fois que je parle de ça, il faut que je l'explique. C'est pas nécessairement simple. Oui, parce simple. Que c'est un, moi, c'est la première fois que j'entends cette mm-hmm. appellation-là. Oui. Est-ce que c'est utilisé par d'autres personnes? Est-ce ben, moi, c'est moi qui ai nommé ouais, ça, ça comme mm-hmm. ça, là, comment moi je voulais le vivre puis le présenter. Je l'ai pas entendu ailleurs non plus. Mais voilà. Donc, c'est sûr qu'après, ben là, artiste social revient, artiste visuel avec les communautés, tout ça revient pour expliquer vraiment ce que je fais. Mais tu sais, si tout le monde pouvait comprendre rapidement ce que je voulais dire, artiste de proximité, c'est vraiment ce que je pense que je fais. C'est exact, c'est juste, ouais, c'est précis. C'est vraiment voilà. exactement ça. Mm-hmm. Justement, un des termes que tu utilises le plus en parlant de ta pratique, c'est de près, travailler oui. de près avec les ouais. gens. Donc, on va revenir sur cette belle conversation avec Myriam Leland, avec Gabriel Bélanger. Après une courte pause, un extrait encore de Rage. L'extrait, c'est de Soliste. Et au retour, on continue à parler avec l'artiste de proximité, Gabriel Bélanger. Сейчас, ребята, послушайте соло на ударных инструментах. То смело и танцуйте. Vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatial et on a une belle conversation, Myriam Leland et moi, avec Gabriel Bélanger, artiste de proximité. Donc, je répète un peu ce qu'on disait avant la pause pour faire le pont. On a parlé de ton projet Nuit, de ton projet mmh. Relié, mais il y a plein d'autres projets aussi qui t'animent en ce moment. Je pense que Myriam, là, ça lui brûle les lèvres d'en parler. Là. Oui, ben cet été, d'ailleurs, après là, que Nuit se soit terminée, tu as inauguré le projet La Carriole, qui ouais. est un atelier de sérigraphie mobile, mmh. qui est issu d'un partenariat avec Engram et Pêche Sherpa. Qu'est-ce que tu as envie d'accomplir avec ce projet-là? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? Ouais. En fait, la carriole, c'est un peu le bébé du projet qui s'appelle Estampes Nomades. Puis dans Estampes Nomades, l'idée, c'est d'aller vraiment dans les milieux communautaires, donc dans des organismes communautaires, faire des ateliers de dessin avec les gens à partir de ce dont ils ont envie de parler. Donc, on a exploré divers thèmes. Au début, il y a eu un délire autour de la banane. Après ça, on est allé dans les mouches pour la pêche. On est allé dans les cornets de crème glacée, tout ça. En tout cas, bref, je fais faire des ateliers de dessin avec les personnes. Puis après ça, je fais des soies je compose une soie de sérigraphie à partir de divers dessins. Puis je m'inspire aussi de ce qui a été dit durant les ateliers de dessin pour reprendre une phrase qu'une personne a dit pour mettre ça avec l'image. Et après ça, je retourne dans la rue. Donc, j'ai mon atelier de sérigraphie qui se traîne à vélo. Donc, je me promène dans la rue, sur les places publiques, et là, j'ouvre mon atelier et on imprime, dans le fond, les soies que j'ai préparées avec les gens autour des organismes où je suis déjà allée. Donc, c'est à peu près les mêmes personnes que je rencontre et d'autres personnes. Ça crée super belle situation de mixité sociale. Donc, un sans-abri peut imprimer avec un enfant, un touriste passe par là, il imprime lui aussi, un monsieur à cravate. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très mixité, éclectique, partage. Puis l'idée là-dedans, c'est beaucoup le lien de réciprocité. Donc moi, j'apporte la sérigraphie, j'apporte un savoir-faire, mais les gens, à la base, m'ont parlé de leurs idées. C'est leurs dessins qui sont là. Donc, il y a vraiment un échange là-dedans. Ça colle vraiment à ta définition de médiatrice culturelle, dans le fond, d'offrir justement une façon de médiatiser la créativité des gens en utilisant la tienne en même temps. Tout à fait. Wow, c'est vraiment un beau projet. Je sais qu'avec la carriole, tu vas être présente aussi à la Nuit solidaire à la rue, qui est maintenant le nom de la Nuit des sans-abri. Est-ce que tu peux décrire l'événement un petit peu pour les gens qui connaissent pas ça? Oui, dans le fond, la Nuit des sans-abri, ben la Nuit solidaire à la rue, là, cette année, c'est un événement de sensibilisation. Dans le fond, pas de l'expérience, mais de la réalité de la rue, en fait. Cette année, je vais être présente pour trois interventions différentes. Premièrement, j'organise une épichette de patates. Donc, en fait, c'est inspiré du projet Relié avec les hommes de Revive. Pas chaque matin, mais plusieurs matins par semaine, ils se regroupent. Puis, à 7h30 le matin, ils épluchent des patates ensemble. Puis, c'est un moment super touchant parce que il se passe de quoi, là? Ils partagent autour de plein de choses. Tu sais, le soir, ils soupent ensemble, puis c'est assez chacun dans son affaire. Mais le matin, je sais pas, il y a une vibe différente, puis il se passe de quoi. Puis moi, je trouvais que c'était un moment fort collectif. Puis j'avais envie de amener ce moment-là dans la rue, sur la place publique. Donc, les hommes de Revive vont être là à la Nuit des sans-abri vendredi pour éplucher des patates avec qui veut. Donc, il va y avoir des rondes d'épluchage de patates. Et après ça, s'enclenche un processus de transformation de la patate en frites. Donc, on va pouvoir manger des frites. C'est sous forme de 5 à 7, donc à vers 7 heures, il devrait avoir des frites. Voilà. C'est ma première intervention. Ensuite, avec la carriole, on sera là à partir de, je dirais, 8h30, 9h. On va être là pour imprimer des t-shirts, encore sous le thème des patates. Donc, c'est des dessins que les hommes de Revive ont fait sous le thème « Lâche pas la patate ». Voilà, donc on imprime des t-shirts en toute convivialité. Il va y avoir des t-shirts sur place à donner, mais les gens peuvent aussi apporter leurs propres t-shirts. En fait, on offre aussi une rétrospective de toutes les impressions qui ont été faites durant l'été avec le projet Estampe Nomade. Donc, il va y avoir une petite exposition sous une tente à la Nuit des sans-abri de toutes les œuvres qui ont été faites là, durant l'été. Wow! C'est quand même beaucoup de boulot, beaucoup de patates. Mais c'est intéressant, c'est très évocateur, la patate, parce que ça reste un aliment de base, vraiment, de pas cher. Ouais. Que c'est comme quand t'as plus d'argent, tu manges du riz et des patates. Tout à fait. Donc, il y a quelque chose de très, très évocateur aussi. Quand on parle de la Nuit des sans-abri, quand on parle de pauvreté, de se réchauffer aussi, des féculents comme ça. Ouais. Ça aide les patates chaudes, ça va être super réconfortant. Avec l'odeur de friture aussi. Donc ça, c'est à la place de l'Université du Québec. Tout à fait. Merci, Gentiane. Puis pourquoi c'était important pour toi de participer à la Nuit des sans-abri? Est-ce que c'est la première fois que tu fais ça? C'est la deuxième. Dans le fond, l'année passée, j'avais imprimé des t-shirts aussi. Dans ce temps-là, il n'y avait pas la carriole, j'avais fait sur table. Puis aussi, l'année passée, il y avait le lit, dans le fond, l'œuvre « Juste l'intimité qui me manque », qui est une œuvre qui a été faite dans le cadre de l'exposition reliée avec les hommes de Revive, qui avait été placée dans la rue et photographiée, qui servait à faire l'affiche de la Nuit des sans-abri. C'est sûr que, tu sais, à quelque part, c'est très confortable pour moi d'être dans la Nuit des sans-abri parce que c'est juste le prolongement. Dans le fond, c'est prendre l'espace public, mais pour une cause qui me tient à cœur puis dans laquelle je suis déjà impliquée. Voilà. C'est vraiment un beau projet, ça aussi, des beaux projets. Puis parlant de projets, je sais que t'en as qui s'en viennent aussi pour les mois de novembre et décembre. Je pense que ça va être vraiment plus dans l'intervention, dans l'espace public. Parle-nous-en. Tout à fait. C'est ça. Je vais avoir une intervention à l'ascenseur du Faubourg. Je vais prendre un peu en otage l'ascenseur pour comme espace de cohabitation. Voilà. Donc, j'en dis pas plus. Ça va mettre de l'avant certaines personnes du quartier. Du quartier Saint-Roch. Puis je vais sûrement aussi, à confirmer, avoir une intervention dans un HLM. Ooh. Donc, à voir aussi. Puis c'est ça, présentement, je travaille sur le projet qui s'appelle Rue RUES, qui est, dont les pichettes de patates fait partie, entre autres, mais qui, en fait, je voulais offrir, après avoir travaillé avec les hommes de Revive et les femmes de Lune, j'avais envie d'offrir un visage féminin et masculin de la rue, faire se rencontrer un peu ces deux mondes-là. Donc, je suis un peu dans ce processus créatif-là, là, présentement, et jusqu'en janvier. Et t'es vraiment dans la mixité aussi, comme avec la carriole, mais dans d'une autre manière. Mm-hmm. Ouais. OK. Puis, je sais que t'avais une résidence il y a pas si longtemps que ça. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que moi, ça m'intrigue. Oui, c'est vrai. C'est ça. Je suis allée en résidence dans la communauté naturiste de Bear Oaks, qui est un peu dans le nord de Toronto. Donc, je me suis vraiment interrogée sur qu'est-ce que ça apportait aux gens de se dénuder, de quoi ils avaient envie de se déshabiller dans leur vie, en fait. C'était un peu ça le concept. Puis, j'ai vraiment vécu un processus très personnel par rapport à ça, nécessairement parce que moi aussi, j'étais nue, puis j'étais vraiment avec les gens, mais tu sais, dans toute ma vulnérabilité aussi. Donc, il y a eu comme un dialogue entre ça, comment moi je le vivais, donc de quoi je voulais me déshabiller, moi. Et j'ai comme utilisé la buanderie, dans le fond, du camping, puis c'est un peu drôle parce que là, qu'est-ce qu'on lave à la buanderie si on est nu? C'est la question qui me venait au lèvres. Fait que c'est ça qui m'intéressait. Fait que, bref, c'est des questions que je posais aux gens, de quoi t'aimerais te rhabiller, par exemple, quand tu vas partir de Bear Oaks, des trucs comme ça. Donc, c'était un processus de réflexion. J'ai fait beaucoup d'exploration au niveau du cyanotype. Ça a été vraiment un moment ça a été vraiment le fun, en fait. C'est intéressant aussi avec le cyanotype, parce que le cyanotype, il y a quelque chose de laver le vêtement aussi dans le processus. Ouais. Puis c'est très symbolique aussi de vouloir comme ce... si on parle de spiritualité, par exemple, on cherche à laver notre âme, des choses comme ça, mais dans la métaphore et tout et tout. Ouais, ouais. Donc, merci beaucoup, Myriam Leland et Gabrielle Bélanger, merci. Pour cette belle, belle rencontre. Donc, Gabrielle Bélanger, on peut aller te rencontrer à la Nuit de la Poésie, vendredi, pour éplucher des patates. La Nuit des Sans-Abri. moi, je suis la reine des lapsus. Donc, mais la Nuit de la Poésie s'en vient aussi, on te pardonne. Donc, 10 secondes. Donc, à partir de 21h, pour imprimer des T-shirts, ça se passe à la place de l'Université du Québec. Voilà. Merci beaucoup, les filles. Nous, on part en pause publicitaire et au retour, on parle de la RIAP. CKRL, communication, culture. Le 27 octobre, l'Halloween, ça se fête à la Korrigane, dans un décor macabre de circonstances. Concours de décoration de citrouille, concours de costumes, prix de présence, bière à la citrouille et autres cocktails et shooters monstrueux. Dès 22h, la piste de danse s'anime au son du groupe The Black Coffees. 5$ à la porte, gratuit pour les gens costumés. Brasserie artisanale La Korrigane, 380 rue Dorchester. Du 14 au 20 octobre, Lorraine Côté nous propose sa vision de l'œuvre de Bernanos, Dialogue des Carmélites, une production définissante du Conservatoire d'art dramatique de Québec. Vous, les ci-devant religieuses du monastère de Compiègne, attendu que vous avez formé des conciliabules contre-révolutionnaires, entretenu des correspondances fanatiques, que vous avez hébergé des prêtres réfractaires et des émigrés, en vertu des décrets de la République, vous êtes condamné à mourir sur l'échafaud. Fait le 28 de Messidor, an 2 de la République. Dialogue des Carmélites. Réservation au Théâtre du Conservatoire au 418-643-9833. We'll be right back. Alors, on est de retour à l'aérospatiale et j'ai en studio avec moi Sévia Pilissier. Bonsoir Sévia. Allô. Donc Sévia qui est responsable des communications à au lieu, inter le lieu et évidemment pour la rencontre internationale d'art performance qui a lieu en ce moment, donc une édition toute spéciale. Et tu nous as proposé de rencontrer Ruth Bellinga. Oui. Bonsoir Ruth. Bonsoir. Donc Ruth, tu es une artiste peintre, vidéaste, artiste de la performance et historienne de l'art du Cameroun. Donc c'est beaucoup de chapeaux ça. Beaucoup de chapeaux. Il y a une soirée, mais on peut commencer par parler de la soirée de performance qui va avoir lieu, c'est samedi? Certainement, c'est samedi prochain, le 20 octobre, ça se passe au Roulement à Bille. Oui. C'est les ateliers de création des artistes en art visuel à la maîtrise de l'Université Laval. Oui, sur la rue Sainte-Hélène. Exactement. Mm-hmm. Et donc, c'est une soirée qui a une thématique camerounaise. On a invité un commissaire, Serge-Olivier Fokoua, à faire une sélection d'artistes venant à la base du Cameroun. Ça a un peu changé au fil du temps. Et donc, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment inscrire les pratiques dans un milieu, dans un contexte social, mais également un contexte qui serait politique et qui serait également économique. Donc, on le fait vraiment... c'était ça notre objectif, en fait, d'aller chercher des pratiques qui vont se regrouper autour d'une même région, finalement. Cette soirée-là, camerounaise, tu dis que ça a changé un peu, parce que là, il faut le dire, on parle de la rencontre internationale de l'art performance, c'est la 20e édition, mm-hmm. Il y a 4 volets, oui. 4 zones géographiques, mm-hmm. Donc les volets sont divisés en zones géographiques, et en ce moment, on est en plein cœur du volet Amérique et Afrique. Oui. Et pourquoi c'est cette zone, ce pays-là du Cameroun, plus particulièrement, qui a été choisi pour la soirée de performance? Eh bien, c'est sûr que quand on fait des événements avec plus de 70 collaborateurs, on doit aller vraiment avec nos connaissances, avec les contacts mm-hmm. qu'on a. Richard Martel, notre directeur artistique, est quand même dans le milieu des arts depuis plusieurs années. Alors, on est allé chercher les gens avec qui on avait déjà travaillé. Il y a quelques années, déjà, Richard est allé au Cameroun pour justement aller travailler avec Serge-Olivier Fokoua. Mm-hmm. Alors, ça semblait tout naturel de l'inviter cette fois-ci chez nous pour notre festival à nous. Ici même à Québec. Et Ruth Bellinga, tu vas faire une performance à cette soirée de performance samedi au Roulement à Bille. Est-ce que c'est la première fois que tu viens au Québec? Oui. Oui. Oui. Pour cette soirée de performance, donc vous êtes tous des artistes du Cameroun. Est-ce que la communauté artistique du Cameroun, est-ce que c'est tous des gens que tu connais? Est-ce que c'est vraiment une communauté qui s'est serrée ou tu découvres des gens que tu connais pas? Déjà, ceux qui devaient être là avec moi, qui ne sont pas malheureusement là, Salifou Lindou et Michel Bitimbe, nous nous connaissons très bien. Mm-hmm. Et Olivier Fokoua aussi, qui organise chaque deux ans, le festival est ravi. Et lui, il m'a toujours invité aussi à ce festival, donc on se connaît tous les trois. Mm-hmm, ouais. Mm-hmm. Et donc, je disais d'emblée également que tu es à la fois artiste vidéo, artiste de la performance, mais également historienne de l'art. Ouais. Ça m'intrigue. Comment est-ce que est-ce qu'il y a des points de jonction entre tes deux pratiques qui semblent un peu des deux côtés de la clôture, si on veut? C'est une histoire assez particulière. En fait, j'ai jamais voulu vraiment être historienne d'art. OK, par défaut. Oui, voilà. Mm-hmm. J'ai toujours voulu être artiste, mais il y a eu des petits problèmes d'ordre académique qui m'ont obligée à choisir l'histoire de l'art parce que dans notre université de Yaoundé 1, on nous formait en histoire de l'art et en art plastique. Mm-hmm. Voilà. Et à partir de la maîtrise, justement, j'ai dû choisir l'histoire de l'art parce qu'il y avait des petits problèmes académiques, mais j'ai continué à faire ma pratique artistique. Donc, tu mènes ces deux volets-là de ta pratique de front. Et donc, tu fais de la vidéo, de l'art performance, comme je disais. Tu vas présenter une performance samedi à cette soirée de performance-là. Est-ce que c'est une performance que tu as déjà présentée avant? Est-ce qu'il y a des éléments qui vont revenir ou c'est vraiment quelque chose de tout nouveau que tu vas nous présenter comme performance? J'ai eu à présenter cette performance il y a de là 2 mois mm-hmm. lors des ravis. Mais à chaque fois que j'arrive à un nouveau lieu, oui. je le réadapte oui. au contexte. Donc c'est une performance que je vais refaire, mais que je vais adapter au contexte québécois. Voilà. Et dans ta pratique, tu t'inspires beaucoup des rituels et des mythes, je crois. Oui. C'est des éléments qui sont très importants, j'ai l'impression, dans la culture camerounaise. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui revient dans les pratiques des artistes en performance du Cameroun? Oui, ce que j'ai remarqué quand j'observe la scène camerounaise, c'est que la plupart des performeurs ont toujours quelque chose de lié au rituel. Mm-hmm. Oui, mais même si le propos n'est pas un propos lié vraiment à la culture camerounaise, même si c'est une question politique, il y a toujours quelque chose de rituel qui arrive, qui, sur le plan esthétique, qui se fait voir dans la pratique performative. Voilà. Et tu t'intéresses beaucoup aux enjeux environnementaux, aux enjeux sociaux. Est-ce que tu peux nous donner un peu des pistes sur comment tu vas les aborder dans la performance que tu vas présenter samedi? La performance que je vais présenter samedi porte sur la question de comment je peux appeler ça, de l'exploitation de l'environnement mm-hmm. et des questions de territoire. Oui. Oui, parce que j'ai remarqué que les êtres humains que nous sommes, nous avons toujours tendance à dominer notre environnement et pourtant, nous avons toujours quelque chose de lié à cet environnement. Oui. Ce que j'ai remarqué est que la plupart des pays ont un symbole lié à l'environnement, soit dans leur emblème, soit dans leur je sais pas trop quoi, mais il y a quelque chose de lié à l'environnement, mais c'est toujours nous les êtres humains qui détruisons cet environnement. C'est tout ça un peu paradoxal. Et chaque fois que on détruit l'environnement, parfois on oublie carrément qu'il y a des personnes qui en dépendent. Oui. Chez nous par exemple, il y a des peuples qu'on appelle des pygmées mm-hmm. qui vivent dans la forêt. Mm-hmm. Et je crois que il y a ce phénomène un peu partout aussi, des peuples qui dépendent complètement de la forêt et les sociétés forestières vont dans ces lieux parfois corrompre des chefs de ces villages pour détruire leur environnement sans tenir compte des habitants de ces lieux-là. Et il y a aussi quelque chose de très, très culturel. Il y a des croyances liées aux forêts. Et je me demande très souvent, quand on détruit ces forêts, est-ce qu'on pense à ceux qui dépendent culturellement parlant de ces lieux. Chez nous, par exemple, il y a des phénomènes de forêts sacrées. Voilà. Et quand on détruit ces forêts, je me demande comment les personnes qui croient en l'existence des entités dans ces forêts voient leur dieu s'envoler, je ne sais pas trop quoi. Donc, c'est un peu ces préoccupations qui m'intéressent dans ma pratique artistique. Et en même temps, j'établis des rapports entre l'exploitation de ces lieux, l'exploitation des corps, l'exploitation des territoires. Voilà, donc j'essaie d'élargir mon sujet pour que tout le monde se retrouve, quoi. Oui, oui, oui, c'est intéressant. Donc moi, je fais des liens, par exemple, avec le Canada, dans nos emblèmes, le caribou, toute notre monnaie, hein, c'est des symboles qui représentent le pays au grand complet, qui nous appelle en tant que Canadien ou en tant que Québécois, mais on sait que le caribou est en danger dans certaines zones du Québec en ce moment. Donc il y a des enjeux comme ça qui viennent toucher avec différents sujets, mais c'est des enjeux qui touchent évidemment la planète entière, voilà. avec les réchauffements climatiques. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as remarqué ici au Québec qui t'appelait un peu dans tes questionnements que tu élabores dans ta pratique au niveau de l'environnement ou des éléments comme ça? Bon, ce que j'ai remarqué au niveau de l'environnement, c'est qu'il est très beau. Oui. Oui, là, j'ai beaucoup aimé le paysage québécois. Mais dans mes lectures, je me rends aussi compte que même ici au Canada, les forêts sont en danger malgré tout. Oui, mais voilà. c'est que le territoire est très, très vaste, puis c'est très, très, très, très loin de notre regard que les zones sont exploitées assez sauvagement. Mais merci beaucoup, Ruth Bellinga, de ce bel entretien. Donc, ta performance, c'est samedi soir, dans le cadre de la soirée camerounaise de la Rencontre internationale d'art-performance, la 20e édition. Donc, on a vraiment beaucoup, beaucoup de choses, un programme bien étoffé cette année. Merci beaucoup, Sylvia Pellissier, de t'être joint à nous. Ça me fait plaisir. Et nous, on va prendre une petite pause audio. Et au retour, Claire Dunoumoulin nous parle du 30e, un autre anniversaire, du Musée de la civilisation. Claire Dumoulin, bonsoir. Bonsoir, Gentiane. Donc, nouvelle chroniqueuse à l'émission, bienvenue. Tu as décidé de nous parler du 30e anniversaire du Musée de la Civilisation et de te pencher un peu plus sur les aspects artistiques de sa mission? Exactement, parce que le Musée de la Civilisation, c'est bien une institution nationale. C'est un musée de société avant tout, donc qui vise à comprendre l'humain. Oui, dans mais son... l'art fait partie de la société. Exactement. Et puis souvent, il y a des composantes artistiques, des composantes d'art visuel dans les expositions. Alors, j'ai rencontré Vincent Giguère, conservateur. Je laisse se présenter. Je suis Vincent Giguère, je suis conservateur au Musée de la Civilisation. Puis les collections dont je suis responsable, c'est les collections d'œuvres d'art, donc évidemment les arts visuels anciens comme les contemporains, mais aussi les métiers d'art, les collections aussi de mobilier, ainsi que différentes collections liées à la vie politique, la vie militaire aussi, par exemple. Alors, avec Vincent Giguère, nous avons visité l'exposition « Sortir de sa réserve ». C'est une exposition donc qui présente 400 objets d'émotion. Donc, vraiment, et certains, il y a des œuvres à l'intérieur de tout ça. Donc, les œuvres d'art deviennent un peu considérées comme un objet aussi d'émotion. Oui. Donc. Puis, donc, c'est... donc, vous êtes allé voir cette exposition « Sortir de sa réserve ». Il y a un jeu de mots là-dedans, un peu, de, oui. comme, de d'être un peu moins timide, un peu moins réservé. Oui, oui. Je laisse encore une fois M. Giguère expliquer le concept d'exposition. C'est une exposition qui avait un objectif un peu de sortir des sentiers battus, c'est-à-dire de demander aux conservateurs, parlez-nous de vos coups de cœur dans les collections, des objets que vous trouvez soit tout simplement beaux, donc, ou même des objets que vous trouvez bizarres, ou des objets qui ont... pas nécessairement d'intérêt au niveau visuel, qui ont l'air parfois un peu anodin, mais qui ont un parcours exceptionnel. Donc, c'était un peu cette idée-là de nous demander de sortir des objets de la réserve et ensuite les mettre en salle. Donc, c'est une histoire de coup de cœur. Exactement. Donc, on a parcouru l'exposition. Ils m'ont montré ces coups de cœur. Évidemment, c'est des coups de cœur aussi d'art religieux, de métiers d'art. Le premier, c'était un tabernacle tout en dorure, très ancien, mais qui avait des multiples couches au niveau du sens. Et c'est là que le Musée de la Civilisation aime nous révéler ces multiples couches de signification. On s'est arrêté aussi devant un panneau d'un calvaire d'Oka, qui avait eu une polémique là, parce que la fabrique avait plus d'argent pour le restaurer et l'avait donc vendu. Le musée avec la fondation et divers partenaires ont pu en acquérir toutes les panneaux. C'est un calvaire en 7 panneaux, ce qui est vraiment une tradition du Moyen Âge parce qu'habituellement c'est maintenant 14 panneaux. Donc ça c'est comme le chemin de croix là et tout ça. Et il nous explique aussi pourquoi le calvaire d'Oka était si important pour le Musée de la Civilisation. Mais au Musée de la Civilisation, ces deux stations qui ont été fortement endommagées, ce sont des signes de transformation et de mutation sociale. Donc pour nous, elles ont aussi cet intérêt-là, même si elles sont grandement vandalisées, qu'elles sont... Les gens pourraient se dire, c'est pratiquement inexposable. Peut-être. Mais matériellement, c'est un signe excessivement fort des transformations sociales qui ont eu lieu dans les années 70, un mouvement anticlérical qui était lié, bon, évidemment, le retour à la Terre, aussi le mouvement hippie... Alors, c'était important de dire que, au fond, les panneaux avaient été vandalisés assez de façon historique. Là, ils avaient été carrément brûlés. Il y avait fait des feux de camp, les gens avec ça, les voyous. Donc, de là, le désir de les restaurer. Et puis, le musée les présente. Ils sont évidemment d'un côté esthétique très intéressant. Oui. C'est un bas-relief dans les règles de l'art. Mm-hmm. Mais voilà, vous comprenez un peu où on est. Oui, mais c'est ça. On est vraiment comme dans l'esprit de la Révolution tranquille, puis du rejet du religieux. Puis donc, c'est une trace de ce rejet-là qui se retrouve à l'intérieur de l'objet. Là. Exactement. Mm-hmm. Donc, c'est un peu ces choses-là que j'ai parlé avec Vincent Giguère. Aussi de la façon comment les œuvres d'art se retrouvent dans leur collection. Oui, parce qu'il faut avoir une politique d'acquisition là, quand on a un musée avec un mandat qui est aussi large que la civilisation. Et qu'on a un voisin qui s'appelle le Musée national des Beaux-Arts. Oui, exactement. Là. Donc, il y a toute la collection Pierre Gauvreau qui avait été acquise et qui a eu une exposition en 2014. Là, on parle de façon rétrospective aussi parce que c'est les 30 ans. Donc, j'ai un peu réfléchi à toutes les expos qui parlaient d'œuvres. Pierre Gauvreau, lui, était dans la peinture, était avec les automatistes, mais aussi en télévision. Et puis, donc, quand ils ont présenté l'œuvre, c'était tout pour rentrer vraiment dans sa tête, rentrer dans sa bulle de création, comprendre l'homme dans sa société, comprendre l'artiste qui commente la société qui l'entoure. Donc, c'est un peu le même principe avec Michel Dallaire. Il y avait une exposition sur le design. C'était au fond le métier de designer. Donc, ils ont pas pris, quand ils ont acquis les objets, ils ont pas seulement sélectionné les plus beaux, ils ont pris ceux les plus significatifs. Oui, c'est ça. Il y a une question de mise en contexte qui est importante parce qu'on parle de civilisation, on parle de société, on parle d'un métier, d'un monde, d'un champ de pratique. Ouais, donc, c'est vraiment plus la muséo ne se fait pas de la même manière qu'on présente des œuvres d'art, là. Exactement. Mais ça reste que... ça reste des œuvres d'art quand même aussi. Oui. Comme là, il m'a parlé aussi d'une estampe. Lui, c'est son estampe préférée, qui est quand même assez impressionnante. Elle est composée de 20 feuilles de papier. C'est la plus grande estampe de la collection. Elle mesure plus de 2 mètres. Wow. Et c'est la ville de Rome. Et en 1700, je crois qu'il va nous dire dans l'extrait. Et puis, je le laisse t'expliquer. Lui, il est vraiment passionné de la collection du séminaire, qui était le séminaire de Québec à l'époque. C'était le musée d'art. Si on voulait voir des peintures d'Europe, on allait au séminaire de Québec. Tout à fait. L'œuvre que j'ai choisie, dans le fond, qui est mon coup de cœur dans l'exposition, c'est un peu une œuvre qui nous permet de rassembler un peu toutes ces thématiques du voyage puis de l'intérêt des prêtres aussi pour les cultures étrangères, pour la culture européenne. C'est une estampe qui représente la ville de Rome qui est vue depuis le mont Janicule. Donc, c'est une gravure qui est la plus grande gravure qu'on a au séminaire de Québec et qui nous permet de faire le pont avec autant la culture religieuse, les musées du Vatican, par exemple, que l'Antiquité et l'attrait aussi pour tout ce qui est de la civilisation antique, les auteurs grecs, les auteurs latins. Donc, les prêtres avaient, en complément de cette gravure-là, des livres qui pouvaient leur permettre de voyager dans la ville de Rome. Donc, on peut vraiment... J'ai même déjà fait l'exercice avec un prêtre. Il y a un prêtre du séminaire qui me parlait de cette gravure-là et qui lui-même, à un moment donné, s'est dit « Ah, justement, la dernière fois que j'étais allé à Rome, je me promenais ici, là. » Il refaisait son voyage à l'intérieur même de la gravure, même si cette gravure-là nous montre Rome en 1795. Donc, un voyage dans l'espace comme un voyage dans le temps, là, cette œuvre-là, puis la façon dont Vincent Giguère l'explique. Oui. Est-ce qu'on a le temps pour un autre extrait? Oui, tout à fait. Une autre œuvre, au fond, une autre, parce que dans Sortir de sa réserve, c'est vraiment un amoncellement d'objets et d'œuvres entremêlées. C'est vraiment hétéroclite. Et on tombe ensuite sur la fin ou au début, enfin, c'est très circulaire comme ses parcours, sur une œuvre de Joseph Légaré. Et il y a en face un objet qui est lié à la pratique de Joseph Légaré et qui nous... Enfin, je laisse Vincent parler de lui-même. Oui. Par exemple, regardez l'album qui est juste ici. C'est un album qui avait été monté par l'artiste et collectionneur Joseph Légaré, qui est le premier paysagiste au Canada. Donc, on a la chance de conserver son album. C'est un peu comme un scrapbook. Donc, c'est lui qui montait des albums comme ceux-là à partir d'estampes qu'il achetait un peu partout. Il servait de ces estampes comme étant... c'est une hypothèse, mais comme étant un outil pédagogique. Et il y a certains arbres, par exemple, qu'on peut retrouver dans ces estampes, qu'on va retrouver dans ses peintures, comme par exemple l'immense incendie de Québec, qui est juste là, à côté de nous. L'incendie de Québec, pour poursuivre là-dessus, on peut le voir comme étant une œuvre d'art de Joseph Légaré, mais nous, c'est non seulement une fenêtre sur... l'incendie qui a eu lieu dans les années 1880 dans Saint-Roch. Mais en même temps, ça nous montre une facette de Joseph Légaré qui est excessivement importante parce que Légaré a peint ces tableaux-là pour les vendre afin de recueillir l'argent pour les organismes de charité, pour tous les sinistrés qui avaient vécu donc, cet incendie-là et qui étaient maintenant dans la rue. Donc, pour nous, oui, c'est un tableau. Pour nous, oui, on a la collection de Joseph Légaré, ce qui nous permet de comprendre toute la construction de cet homme-là en tant que collectionneur et peintre. Mais en même temps, on a devant nous carrément un objet d'histoire qui est une fenêtre sur le passé et qui est aussi une fenêtre sur la dimension très sensible de Légaré par rapport à ses contemporains et aux gens qui vivaient des sinistres comme ceux-là. Alors, voilà pour l'exposition Sortir de sa réserve. Oui. Elle est là pour encore très longtemps. Je vous invite à la voir. C'est une chance, au fond, je trouve, que pour les artistes de Québec, d'être si proche de ce musée-là. Parce que longtemps, il a été réputé pour la muséographie éclatée, c'est-à-dire comment on présentait les choses, la scénographie, les ambiances qu'on créait. Je sais qu'en art visuel, des fois, on veut peut-être pas créer autant de surcharge. Oui, laisser l'œuvre d'elle-même parler. Ouais, ouais, ouais. Mais il y a des choses qu'on peut prendre, on peut s'inspirer. Justement pour les supports qui sont tellement, il y a des techniciens tellement expérimentés là-bas. Et je laisse le conservateur expliquer un peu le concept de la muséographie au Musée de la Civilisation. C'est quoi un peu le mot d'ordre? On considère que c'est dans nos valeurs d'essayer de se renouveler dans la façon de montrer les objets au public. Donc, évidemment, il ne faut jamais que ça se fasse aux dépens du discours sur l'objet, mais on aime ça aussi, des fois, essayer de se renouveler, de se mettre aussi en danger. Voilà. Puis, il y a, à ce titre, il y a ici Londres, il y a beaucoup d'œuvres d'artistes, notamment des Young British Artists. Donc, Je peux encore aller la voir, là. Ça me donne envie d'aller la voir. On en discutera comment c'est présenté, c'est audacieux. Les œuvres sont dans des bulles, au fond, pour montrer que les quartiers sont. C'était effervescent. Bref. Et pour l'art actuel, il y a aussi dans plusieurs grandes expositions, comme C'est notre histoire qui raconte l'histoire actuelle des Autochtones. Oui, il y a une très belle intégration des œuvres d'art actuelles dans toute l'exposition. Oui. Exactement. Et puis, parfois, il y a des projets ponctuels, comme il y a eu Karine Giboulot, je crois que c'était, il me semble, en 2015. Mm-hmm. Elle avait montré Cité Bidon. Et donc, elle, son travail, encore une fois, était vraiment, ça rentrait avec le mandat du musée de parler de la société, de parler des enjeux. Puis parfois, l'art va plus loin qu'une approche très documentaire et nous fait vraiment ressentir l'enjeu, la problématique de façon vraiment unique. Et puis, c'est là que, donc, j'invite moi-même les artistes qui nous écoutent à soumettre leurs projets au Musée de la Civilisation, d'oser parfois, parce que le processus de la programmation était vraiment particulier quand même perméable à ce qui se passe autour dans l'actuel. Oui, c'est ça. C'est pas un mandat qui est fermé. Dans le fond, c'est un mandat qui est ouvert. Mm-hmm. Jusqu'à, oui. Donc, est-ce que tu avais un dernier extrait sur l'art actuel au Musée de la Civilisation de Québec? Est-ce qu'on peut l'entendre? Oui, on va l'entendre. Ces artistes-là, il faut le dire, sont lorsqu'ils sont choisis pour exposer chez nous, c'est parce qu'ils ont une démarche qui nous permet d'aller au-delà des questions esthétiques, toujours, puis nous poser des questions justement sur la société. Très simplement, voilà. C'était donc Vincent Giguère que j'ai eu la chance de rencontrer, conservateur Beaux-Arts au Musée de la Civilisation. Super, merci beaucoup Claire Dumoulin pour cette belle... j'allais dire introspection, mais donc on entre dans le Musée de la Civilisation de Québec qui fête son 30e anniversaire en fin de semaine. Donc, on invite tout le monde à aller. Je pense que vendredi, l'entrée est gratuite. Oui. C'est ouvert jusqu'à 21h. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Donc, allez vous informer sur le site du musée. Et moi, je vais passer directement à l'agenda de la semaine. On ne prendra pas de pause audio. Le temps file. Donc, ce soir, il y a une conférence d'Evelyne Baudry qui nous parle de Marcel Barbeau en mouvement. Donc, c'est à 19h30 à l'Auditorium du Musée national des Beaux-Arts du Québec. Demain, jeudi, Folliculture nous invite au Salon des impostures. Donc, c'est une soirée de vernissage, de performance, de lancement de livres. Ça se passe dans le local, donc l'ancien Champagne Chocolatier sur la rue Saint-Joseph. On vous en parle la semaine prochaine. Pêche Sherpa également, qui a un double vernissage demain avec Simon Diouville et Stéphanie Maude Dumas à partir de 17h. Également demain, du côté de Sainte-Foy, à Espace Parenthèse, l'exposition Les Mycènes de Valérie Boivin vernie à partir de 17h30. Vendredi, Julie Bouffard nous présente le grand tour dans le local de Critérium. Donc, le vernissage commence à 17h, c'est sur la rue Dupont. Et la Nuit des Sans-Abri, dont on a parlé tout à l'heure en début d'émission. Donc, si vous voulez aller rencontrer l'artiste Gabrielle Bélanger pour éplucher des patates ou faire des t-shirts, donc ça se passe à la place de l'Université du Québec devant le Parc Saint-Roch. Samedi, je vous rappelle que c'est la soirée de performance camerounaise au Roulement à billes à partir de 20h dans le cadre de la rencontre internationale d'art performance, le volet Amérique et Afrique qui a cours en ce moment. Et c'est la dernière semaine pour aller voir Diversité et sensualité du Jardin des délices Espace érotique, Michel Brochu-Gagnon, au Pavillon des Jardins de l'Université Laval. Jusqu'à dimanche, vous pouvez aller voir le Drapeau des Fous, Folliculture, donc revisiter le Drapeau des Fous avec une vidéo, avec des mots par-dessus. Donc, c'était à la bibliothèque Gabriel Leroy. C'est également dimanche que se termine la très belle exposition Corpuscule. Donc, on avait reçu Marie-Lou Kenny-Gagnon, l'artiste, pour en parler. Donc, c'est à la Galerie des Arts Visuels. Et ne manquez pas les automatistes en trois temps à la Galerie Michel Guimond. Ça se termine mardi prochain. C'est une exposition magnifique, une exposition majeure qui nous permet de rentrer vraiment dans la démarche, dans la continuité de la démarche de cet artiste automatiste. Donc, c'est déjà la fin de l'aérospatiale pour cette semaine. Vous pouvez écouter la balado-diffusion de cette émission sur notre site, l'aérospatiale.ckrl.wordpress.com. Et un grand merci à nos invités, Gabrielle Bélanger, Ruth Bellinga et Sylvia Pellissier. Merci à nos chroniqueuses, Myriam Leland et Claire Dumoulin. Et j'aimerais remercier également Jacques Gignac, le Rembrandt de la console. Merci à Simon Roy pour la belle découverte musicale. Ne changez pas de poste. C'est Situation critique après la pause publicitaire avec Pierre Blais et son équipe qui nous parle cinéma avec leur enthousiasme inégalable. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. CKRL. Communication, culture. En collaboration avec Premier Acte, la Caisse Desjardins de Québec et Québec en toutes lettres, Camp présente Radis, d'après la vie et l'œuvre d'Antonine Maillet. Je suis qui, moi, papa? Je suis ni française, ni anglaise, ni québécoise, ni rien en tout. Qu'est-ce que je suis, d'abord? T'es acadienne, Radis? L'Acadie, c'est pas un vrai pays. L'Acadie, c'est plus un pays dessiné sur une carte. Ben, on est acadien. Puis on va le rester tant qu'on va se souvenir d'où on vient. Radis, une ode à l'imagination, au refus des conventions et à la mémoire de ceux qui nous ont précédés. Présenté à Premier Acte du 23 au 27 octobre. Pour information ou l'achat de billets, premieracte.ca. Le Festival Québec en toutes lettres accueille les souffleurs Commando Poétique. Les 26 et 27 octobre, devant la bibliothèque Gabriel Leroy, participez au ralentissement du monde. Levez la tête vers le ciel, repérez les artistes sur les toits et laissez-vous enchanter par les regardeurs. Par quelle montagne, rivière, tonnerre sommes-nous façonnés? Un spectacle gratuit pour tous. Québec en toutes lettres, la splendeur du vertige. À la librairie Pantoute, les livres sont testés sur des libraires. Ce mois-ci, Vanessa, de la succursale Saint-Roch, vous suggère « La chanson de ma mère », un recueil de poésie d'Alain Larose. D'une grande force évocatrice, le livre nous fait traverser la vie d'une femme jusqu'à ce que l'oubli s'empare d'elle. Le narrateur rapièce le passé et le présent et nous fait accéder à des tableaux intimes. C'est une histoire universelle, celle de la vie qui s'en va, qui nous est dépeinte avec crudité, mais surtout avec une infinie tendresse. Et Édouard, de la succursale du Vieux-Québec, vous propose « Calepin impérial », un roman fantastique signé Angelica Gorodischer. Rassemblée en une vaste fable au relent d'éternité, voici l'histoire du plus grand des empires, celui qui a toujours survécu et renaîtra sans cesse. À travers ses gloires et ses déchéances, c'est la saga de toutes les grandes puissances du monde qui prend forme, convergeant en un récit unique, grandiose et captivant. La librairie Pantoute. Une librairie indépendante, des libraires passionnés et plus de 50 000 titres à vous proposer. 1100 rue Saint-Jean et 286 rue Saint-Joseph-Est. Situation critique vous est présentée par le cinéma Le Clap, le cinéma